vendredi 28 octobre, ici Dominique Lelièvre pour les informations. Le maire de Québec, Régis Labeaume, prône la construction d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Il ajoute que ce nouveau lien doit être situé à l'ouest des villes et non à l'est, comme le recommandait l'étude du professeur Bruno Massicotte et des élus de la Rive-Sud. Le maire de Québec a jugé nécessaire une telle infrastructure, en plus du service rapide par bus qui doit être mis en place également. Les fonctionnaires de la ville ont étudié notamment la dernière enquête origine-destination du ministère des Transports, en plus de colliger leurs propres données, grâce notamment à la prise d'images aériennes au-dessus des ponts de Québec aux heures de pointe. Conclusion, 76% des automobilistes se dirigeaient vers la partie ouest de Québec, ce qui fait dire encore une fois au maire que ce troisième lien devrait être situé à l'ouest. Le président du RTC, Rémi Normand, a pour sa part estimé que la capacité actuelle des ponts était manifestement insuffisante lors des heures de pointe sur les ponts. Nicolas Lacroix est condamné à 4 ans d'emprisonnement pour la mort du petit Nathan Lecour en 2012. L'homme de 40 ans a été reconnu coupable de l'homicide involontaire du jeune garçon qui avait 2 ans au moment des faits. L'homme de 40 ans s'était présenté en état d'ébriété au domicile d'une amie à Lévis qui se disait victime de harcèlement. Il avait montré à la dame comment se servir d'une arme à feu et avait déclenché par erreur un coup de feu. Le gouvernement du Québec investit 44 millions de dollars sur 5 ans dans la lutte aux violences sexuelles. La ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, en a fait l'annonce dans la foulée des agressions à l'Université Laval et des allégations entourant le député Jerry Sklavounos. Les sommes financeront 55 nouvelles actions de prévention, d'intervention et de recherche en matière de violences et d'exploitation sexuelle. Et ces jours d'élection à Wendake, près de 3400 membres de la Nation Huron-Wendat sont conviés aux urnes pour désigner leur grand chef. L'actuel détenteur du poste, Conrad Sioui, sollicite un troisième mandat. L'homme de 63 ans met l'accent sur le respect des aînés. Il veut aussi poursuivre le développement du projet Tortue qui a déjà donné le jour à un centre de santé. Son adversaire, Denis Gros-Louis, 47 ans, mène sa première campagne. Il s'est fait remarquer en proposant de mettre la recherche scientifique au profit des droits de la nation.